Mon cœur t'attend plein de printemps. Offre ses rimes et son abri aux colibris. Mon cœur t'attend plein de printemps, mon cœur t'attend plein de printemps. Ses trésors aux boutons d'or. Ses chansonnettes à l'alouette et ses sonnets aux sansonnets. Prodigue que rien n'endigue au son des viols, encore s'envole. Mais pour toi seul brûle sa flamme, mais vers toi seul va l'oriflamme. Mon cœur t'attend plein de printemps, mon cœur t'attend, toi souviens-t'en.